Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez des cieux l'Éternel, louez-le dans les hauts lieux. Tous ses anges, louez-le. Toutes ses armées, louez-le. Louez-le, vous soleil et lune, toutes les étoiles qui jetaient de la lumière, louez-le. Louez-le, vous cieux des cieux, et vous, ô qui êtes sur les cieux. Que ces choses louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et elles ont été créées. Et il les a établies à perpétuité et à toujours, il y a mis une ordonnance qui ne passera point. Louez de la terre l'Éternel, louez-le, baleine, et tous les abîmes. Feu et grêle, neige et vapeur, vent de tourbillon, qui exécutait sa parole. Montagne, et tout coteau, arbre fruitier, et tout cèdre. Bête sauvage, et tout bétail, reptile, et oiseau qui avait des ailes. Roi de la terre, et tout peuple, prince, et tout gouverneur de la terre. Ceux qui sont à la fleur de leur âge, et les vierges aussi, les vieillards, et les jeunes gens. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est haut et élevé, sa majesté est sur la terre et sur les cieux. Et il a fait lever en haut une corne à son peuple, ce qui est une louange à tous ses bien-aimés, aux enfants d'Israël, qui est le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel.